Allô les rappeurs, ça faisait longtemps. On a fait chanter toute la France comme une chorale. En attendant, des imposteurs ont fait de l'argent. T'en avais presque oublié ce qu'était le bon rap. Un feat Black M et Sopra, ça n'a pas de prix. On kick un truc sans thème sur une bonne batterie. Venez on rap, venez on gratte un freestyle un peu sale. Avec la même dalle qu'à l'époque où on faisait vos premières parties. Tu bouges la tête en scred, fais pas le mytho. C'est les Toulousains, le Marseillais et le Parigo. Nous, on rappe pour les grands et les petits. Dans 5 ans, je rachète toutes les usines à Ribot. Petit si t'as peur, fais attention, sois délicat. J'ai rêvé d'être rappeur, j'copiais la section et les psychiatres. Dans les petites salles en équipage, on faisait des freestyles jusqu'à minuit. J'ai pas tué Tupac, j'étais pas négro, c'est mon alibi. Cut la caisse claire, j'étais sûr que t'aimerais. C'est le retour des experts qu'on perçait sans faire exprès. Laisse faire, ta carrière a l'air épuisante. 10 ans que je rappe, mais j'ai encore la chance du débutant. C'est bizarre, plus je les aime, plus ils me détestent. J'ai la rage, j'écris ça comme si c'était mon premier texte. Ils me dégoûtent, promis je soulève la coupe, c't'en est. Ils ont pas inventé la poudre, ils se la foutent dans le nez. V'là les feats de l'année, une équipe bien carrée, des platines, des principes, des gros hits de taré. Technique comme une frappe bien cadrée. Dans les arrêts de jeu, tu peux pas comparer. Qui peut rapper mieux, c'est difficile. Mais si tu taffes, tu pourras faire pareil. Sur le tapis d'Aladin, je me suis envolé. On a fait ça à la bien, on est désolé. Ils étaient moqueurs, on était confiants. Allô les rappeurs, ça faisait longtemps. Oli, j'ai pas de chef, je suis pas esclave. Donnez-moi mon Insta, faut que je m'attaque au state. Baby comme mon Insta, je suis devenu une rosta. Petit jaloux qu'esta, dialophoque des SK. Bon, on ne me teste pas, je suis épaule dans l'espace. Marine pourvu qu'est-ce qu'a. J'suis un éternel hashtag. Marine se propage grave. Soit t'es nul, c'est pas grave. Si tu peux attraper. Moi, je fais le que truc tac tac. Je t'écale dans mon 4x4. GLE tout noir. HM les bâtards. 400 ans d'esclavage. L'erreur est humaine, mais celle-ci mérite une patate. J'ai jamais lâché le rap. Qui veut faire un 1-1? Harry, le temps passe, mais fais pas genre, tu te rappelles pas de Worm. Petit toutou waf waf. J'envoie le flow baf d'ours. Demande à JR. J'suis pas né hier. J'fais semblant d'être mort quand l'ennemi tente le coup de grâce. Ratatatata. Scouplé, c'est la cata. Ils sont en panique, j'suis en mode Hakuna Matata. Sorry, je ne fais pas de trap. Kick et ça fait pas de mal. Big flow, on y passe, passe. Allez leur dire que je ne suis pas de passe. Allez leur dire que prochain album j'attaque. Phoenix comme Sopra. Fais péter les contrats. L'histoire du black dans 10 ans c'est ce qu'on racontera. Ils veulent savoir combien je gagne. C'est que du rap. Si ça marche avec les femmes. C'est que du rap. Ils veulent qu'on se donne en spectacle. C'est que du rap. Mais dis-moi de quoi tu me parles. C'est que du rap. Oh les Big Flow. Big Flow. Big Black. Big Black. Soprano. Soprano. C'est que du rap. C'est que du rap. Je ne comprends pas pourquoi tu parles. C'est que du rap. Ça fait longtemps qu'on attendait ça. C'est que du rap. Paraît que tu veux du rap. Donc avec le black et Sopra on distribue des claques. Celle-là tu pourras pas la back. Et étoile sur la plaque. Tu vas tellement transpirer, flipper que tu vas faire une flaque. Pour les kickers, tous les kiffeurs. Donc cache-le à ta petite sœur. On n'a pas peur, quoi qu'ils en disent. On a la main mise sur le secteur. À nous quatre on a fait péter toutes les stats. À nous quatre on pèse plus que Sony ou Universal. À nous quatre on fait 50% du chiffre d'affaires de Fnac. À nous quatre on a de quoi remplir une centaine de stades. Alors, dis-moi pourquoi tu parles. T'as pas compris, on écoute pas quand tu parles. C'est pas ta faute, mon pote, le prends pas mal. On n'a pas le temps, on est en studio ou en festival. Ha, j'ai beaucoup trop de flow. Sur le beat tranquille, je me balade. Regarde, je peux me décaler doucement puis revenir comme quand je m'incruche chez ta copine quand t'es pas là. C'est pas de ma faute, c'est quand je rappe ça l'excite. On me recherche comme si j'étais le dernier tacos au Mexique. Calmez-vous, bande d'animaux. On dirait des diabétiques devant des paquets d'Haribo. Tu comprends que j'ai le sourire tous les matins. Chérie, je t'emmène en ville, enfile tes escarpins. De la cervelle de rappeur dans des ramequins. Si l'argent rend beau, maintenant je suis mannequin. Alors, dis-moi pourquoi tu parles. T'as pas compris, on n'écoute pas quand tu parles. C'est pas de ta faute, mon pote, je te le dis encore. On est tous platine, parle-nous quand tu seras disque d'or. Au moins disque d'or. Au moins. Avant. Tiens. J'ai promis d'être vrai, pas promis d'être pauvre. Non. Promis d'être vrai, pas promis d'être toi. Non. 20 ans sur le toit, accepte mes étoiles, ne fais pas ton Thibaut Courtois. Sors-toi les doigts du derge, t'es has-been. Comme le dab ou le jerk, la tectonique ou le ice bucket. Tu penses peut-être me dead du game, mais get mon lance-roquette sur ta petite tête. Desgeek, t'as la d'un rase-moquette. Ta street cred sort du nez, prouvette. Vais être honnête, comme dirait le grand Solar. T'es obsolète, t'es pas carré, connard. T'as juste des épaulettes. J'ai le global boa, le smack d'un boa. J'ai trop de liquide, t'as soif, tiens, boa. Ta carrière ne décolle pas. La mienne est tracée à la règle, la tienne au compas. Yeah, je n'ai pas de limites. Tu peux m'entendre rappeler. Chanter, lâcher des tas de gimmicks. J'enchaîne les i depuis que t'as la tétine. Piétine les stats avec du mérite en restant moi-même au milieu de ce milieu de comique. Yeah, c'est la folie, trop d'impoli. J'manie le flow comme un prolique solide au milieu de ces probis d'Oli. J'suis dans la vraie vie comme Big Flow, Oli. Alpha, l'instru est démoli. J'radis l'ancienne et la nouvelle génération. J'suis trop chaud, tu vas choper une sale insolation. Ouais, vaut mieux que j'arrête. Ils veulent savoir combien j'gagne. C'est que du rap. Si ça marche avec les femmes. C'est que du rap.